L'apostrophe, l'émission sur RGB 99.2. Prochainement, à l'affiche. Il ne faut jurer de rien, la pièce d'Alfred de Musset, mise en scène par Yves Bonnen, notre invité, qui par ailleurs dirige le Centre Dramatique National de la Comédie Poitou-Charentes, une pièce pour 5 comédiens qui sera à l'affiche les 12 et 13 novembre prochains, à l'apostrophe au Théâtre des Louvrets à Pontoise. Bonjour Yves Bonnen. Je serais tenté de dire « Il ne faut jurer de rien et encore moins des femmes », c'était un sous-titre possible ? C'est un sous-titre tout à fait possible, en effet, oui. Pour reprendre une autre pièce de Musset, je dirais que c'est l'histoire d'un jeune homme qui dit « Toutes les femmes sont perfides, artificieuses, vaniteuses, curieuses et dépravées, le monde n'est qu'un égout sans fond, où les phoques les plus informes rampent et se tordent sur des montagnes de fange. » Voilà comme le dit Perdican dans « Ne badine pas avec l'amour ». Et puis, ce jeune homme se voit répondre par sa future belle-mère, mais tous les hommes sont menteurs, inconstants, faux, bavards, hypocrites, orgueilleux et lâches, méprisables et sensuels. Et puis tout d'un coup, il y a une jeune fille qui arrive et qui dit « Mais il y a au monde une chose sainte et cruelle, sainte et magique, c'est l'union de deux de ces êtres si imparfaits. » Et quand on est sur le bord de sa tombe, on se retrouve, on regarde en arrière et on se dit « Je me suis trompé souvent, j'ai commis plein d'erreurs, mais j'ai aimé. » Voilà. Il y a un petit peu de ça chez un jeune homme qui s'appelle Alfred de Musset et qui n'a vécu sentimentalement que des déboires et qui rencontre quelqu'un qui lui dit « Mais c'est pas parce qu'on vit un certain nombre de déboires qu'il ne peut pas y avoir à un moment donné un changement dans ce cycle infernal. » Donc voilà, une manière de dire à chacun, ce n'est pas parce que vous pourriez avoir le sentiment de l'habitude du malheur que le bonheur est impossible. Alors, juste préciser ou resituer cette pièce dans le parcours, dans la vie d'Alfred de Musset. Je crois qu'il s'est repris à 3 reprises pour écrire cette pièce, 1836, Absolument. 1848 et 1853, avec pas mal d'années d'écart. Oui. Oui, à chaque fois. Alors c'est une époque où le théâtre un petit peu audacieux arrivait difficilement à se retrouver sur une scène parce que entre l'écrivain et la scène, il y avait ce qu'on appelle les censeurs qui empêchaient pas mal de choses d'arriver telles quelles. Et donc beaucoup d'auteurs étaient obligés de retravailler leurs pièces pour qu'elles arrivent finalement à être jouées et à déjouer la censure. Et donc Musset s'y est repris à plus d'une reprise, mais c'est souvent, comme chez la plupart des auteurs, les premiers jets qui sont les plus intéressants. Donc j'en ai fait avec Marion Bernet une adaptation, ça reste de A à Z du Musset et dont il ne faut jurer de rien, encore que. Mais voilà, j'ai pris dans les 3 versions, et surtout dans la première qui est la plus brute. Voilà. Je suis aussi, avec Marion Bernet, allé du côté certains de ses échanges épistolaires. Dans ses lettres, il écrit des choses à la même époque, surtout au tout début, dans les années 30, qui sont très virulentes, extrêmement fortes, dans une, j'allais presque dire, une forme de brutalité. C'est-à-dire qu'il dit la même chose que ce qu'il dit dans ses pièces, mais dans ses lettres, il les dit sans phare, sans craindre la mise sur écoute. Et c'est ça qui donne, me semble-t-il, à la fin, cette œuvre avec le Musset caché que parfois on n'arrive pas toujours à trouver dans certaines réécritures de ses pièces. Mais il s'y est repris aussi parce que c'était une des rares pièces dans laquelle les choses se terminent plutôt bien. Je pense même que c'est à peu près la seule chez lui. C'est très rare qu'il soit tout d'un coup, pessimiste par l'intelligence, mais optimiste par la volonté, comme le dit Gramsci. Un Musset blessé, je crois savoir qu'on peut aussi le décrire comme un dramaturge incompris, blessé par l'échec de la nuit vénitienne. Il avait un rapport à l'écriture qui avait différé par la suite pour le théâtre, puisqu'il avait décidé de ne plus écrire pour des pièces destinées à la représentation, mais plus à la lecture. Est-ce que ça a donné une difficulté supplémentaire pour le metteur en scène que vous êtes ? Mais oui, il a fait tout un cycle assez rapidement dans sa carrière, même quand il réécrivait ce dont on parlait tout à l'heure, qui s'appelle « Pour un fauteuil ». Ce sont des écrits pour lire dans un fauteuil. Donc même ses pièces, il les destinait à des lecteurs chez eux. Oui, c'est ça. Se disant que voilà, c'était trop tôt pour lui que d'être représenté sur un plateau, ce en quoi il était tout à fait visionnaire, puisque Avec les changements politiques, petit à petit, une vraie forme de liberté est advenue en France et a permis, j'allais presque dire, l'éclosion des anciens, puisqu'on a découvert, et même pas redécouvert, toutes ces pièces qui n'avaient pas été montées, jouées pendant très longtemps, qui avaient été seulement publiées. Donc pour moi, c'est comme être dépositaire d'une vraie force jeune chez Musset, un côté juvénile que j'aime parce que c'est le côté ado qui part dans tous les sens et qui doit se retrouver notamment à travers un personnage qui s'appelle Valentin, qui est assez révélateur, porteur de la parole de Musset. Et je pense que dans cette pièce qui raconte justement des rapports entre des jeunes gens et des adultes, où on a le sentiment que le dialogue est très compliqué, notamment chez ce jeune homme qui n'a plus de parents, mais seulement un oncle, c'est chez cette jeune fille qui vit seule avec sa mère, et là où il n'y a plus de père, qu'on retrouve des choses qu'on peut voir aujourd'hui chez un certain nombre de jeunes gens qui ont du mal à tisser des liens avec les générations supérieures et surtout avec les parents. Et en même temps, cette situation-là, c'est ça qui est beau chez Musset, elle est vue avec une certaine forme d'humour, qui, je crois, était son propre dans la vie, et qu'on ne met pas toujours suffisamment dans ses pièces, comme Tchekhov, qui se battait contre les metteurs en scène pisse-vinaigre, qui faisait de son théâtre un théâtre intellectuel totalement déprimant, alors que c'est pas ça qu'il écrit. C'est pas parce qu'on écrit des histoires dans lesquels il y a des ratages, des amours difficiles, des jalousies et même des meurtres, que ça ne comporte pas en ligne de fond quelque chose de réjouissant. Voilà, et c'est vraiment à l'intérieur de la pièce. Quand je monte une pièce, et particulièrement Musset, je songe toujours que mes premiers spectateurs seront mes enfants. Et c'est essentiel pour moi qu'ils voient cette pièce en se disant « mais la vie vaut la peine d'être vécue, vraiment ». Surtout quand elle se termine mal. Alors celle-ci, elle se termine pas mal, mais il y a quand même un certain nombre de moments dans la pièce qui sont particulièrement tendus. Et la scène finale, qui est une longue scène entre les deux jeunes gens, j'ai beaucoup songé à l'idée de la mettre dans une espèce de territoire qui serait presque une espèce de territoire de banlieue là où il y a peu de choses qui peuvent peut-être faire sourire et où la force de ces deux jeunes gens est telle qu'ils trouvent en eux-mêmes des raisons d'espérer. Dans les notes de mise en scène, vous indiquez que la pièce est construite comme un plan de bataille dont les généraux sont les femmes avec les armes de la stratégie amoureuse moderne. Donc en effet, ça doit nous parler très directement aujourd'hui. Je pense, ça peut faire penser aussi, on vient d'en voir la Coupe du Monde ces temps-ci du rugby, à la technique des rugbyman, il y a une technique qui consiste à, quand on voit un adversaire courir vers vous, à l'accompagner dans le sens où il va pour lui faire croire qu'on serait presque de son équipe et à le déstabiliser, à l'amener à la chute plutôt que d'aller carrément frontalement face à lui. Voilà, et je pense que ça peut être une technique assez féminine que de faire un bout de chemin avec celui qui se croit une espèce d'adversaire, le jeune homme, et puis tout d'un coup de l'emmener à un endroit où il n'imaginait pas aller. Alors voilà, je vais pas dire que c'est une technique de combat, mais il y a une forme presque aussi d'humour de la femme qui a peut-être toujours à l'esprit cette phrase d'Oscar Wilde qui dit que la chasse à courre c'est l'innommable à la poursuite de l'immangeable. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de la chasse à courre dans ce combat de l'homme et de la femme. Mais en tout cas, il y en a un qui est... Avec la question qui se pose inévitablement, je pense, dans cette pièce, comme dans d'autres, à quoi rêvent les jeunes filles? Non pas naïvement seulement à l'amour, mais au pouvoir, c'est ça aussi la pièce? Oui, absolument, il y a de ça aussi. Je pense que Musset avait ce côté très féministe qui était de penser que la phrase était un pays irréductiblement en retard. On l'a bien vu avec tout le mouvement des suffragettes à la fin de la guerre 14-18, qui aurait dû amener, quand on sait l'importance de la femme pendant la guerre 14 et celle de 40, à l'octroi du droit de vote pour les femmes, et puis ça a mis encore des années, puisqu'il a fallu attendre le lendemain de la guerre 40-45 pour qu'elle l'obtienne. Musset avait sans doute perçu déjà ce genre de choses et distille à l'intérieur de la pièce quelque chose qui permet au jeune homme d'être pris complètement à rebours. Et de voir qu'au bout du compte, là où la femme le rejoint, c'est non pas dans cette espèce de force qu'il met en toute chose, mais dans sa fragilité. C'est dans les moments où il est les plus faibles que peut-être il commence à entendre les voix les plus profondes, et notamment les voix de la femme. Dernière chose, les comédiens, je crois que c'est une pièce pour 5 comédiens, Oui. ils sont tous originaires du théâtre Le Public de Bruxelles? Non, c'est là que Non? ça s'est créé, D'accord. la pièce, mais ils n'en sont pas originaires. Ils sont des comédiens intermittents qui ont à leur actif un certain nombre d'aventures sur toutes les scènes du théâtre public, du théâtre subventionné en Belgique ou ailleurs. Tout dernier mot, de nouveau retour pour vous sur Cergy Pontoise, un territoire que vous connaissez bien. Je crois que la fidélité date déjà depuis le début des années 2000. Votre première pièce que vous avez présentée, c'était en 2002, La Princesse Malène de Maurice Maeterlinck, c'est bien ça? Oui, alors je pourrais même remonter à davantage, à 95, puisque c'est là que j'ai créé ma toute première pièce, un mois à la campagne, et Jean-Joël Le Chapelain, qui était à Saint-Nazaire à ce moment-là, avait déjà accueilli non seulement cet opus, mais tous ceux qui ont suivi. Et quand il s'est retrouvé à Cergy, il m'a proposé de poursuivre cette aventure et de l'amplifier à travers un beau statut qui est celui d'artiste associé. Et donc pendant des années, la scène de Cergy-Pontoise, avec toute la formidable équipe qui entoure Jean-Joël, m'a accueilli non seulement pour mes spectacles, mais pour participer à tout le travail de médiation qui a été fait sur ce territoire et qui a pu, dans sa complexité et sa richesse, me préparer à la direction de la Comédie-Poitou-Charentes, qui est le théâtre que je dirige maintenant et qui est le producteur principal de ce juré. Il ne faut jurer de rien. Il ne faut jurer de rien, d'Alfred de Musset. Si en conclusion, ce Musset-là, c'est le mal d'être et le plaisir de vivre, avez-vous écrit? Précision. Oui, le mal d'être et le plaisir de vivre, c'est quand même, me semble-t-il, une manière de rappeler que même quand on passe par des moments complexes, il y a toujours un endroit dans tous les jours où on peut trouver une raison de sourire. Et je me souviens de cette grande tante que j'aimais beaucoup quand j'étais enfant et avec qui j'ai passé beaucoup de moments et qui tous les soirs, quand je m'endormais, même quand la journée était mauvaise, me disait: « Mais trouve, et tu vas trouver au moins une raison de sourire dans la journée qui vient de s'écouler. Un grand merci à vous, Yves Bonnen. Je rappelle à nos auditeurs que cette pièce est à voir. Il y a trois représentations de programmées, jeudi 12 novembre à 19h30. Attention, horaire particulier, 19h30. Vendredi 13 novembre à 14h30, ça doit être pour les scolaires. Et Oui. également pour le tout public à 20h30, à l'apostrophe, au théâtre des Louvrets à Pontoise. On aura plaisir de vous réaccueillir ici à Cergy-Pontoise. Merci à vous. Merci à vous, à bientôt, je l'espère, à très vite, Merci. en effet. I get along without you very well. Of course I do. Except when soft rains fall. And drip from leaves, then I recall the thrill of being sheltered in your arms. Of course I do. But I get along without you very well. I've forgotten you just like I said I would. Except when I hear your name, someone's life that's just the same. I've forgotten you just like I should.